Pour cette première édition de L'Avenir Extra, nous accueillons Cathy et Frédéric, alias K00 et Fred. Nos fidèles auditeurs connaîtront leur voix à coup sûr, car Cathy incarne entre autres Mazas Pavel dans Les Aventures du même nom, et on retrouve Frédéric dans la peau de divers personnages, dont celle d'Atlan. Ce que vous ignorez peut-être toutefois, c'est que Cathy est très impliquée auprès d'Audiocité.net, et que Frédéric en est le webmestre. Bonjour à vous deux. Bonjour Christian. Comment va la santé? Ça va? On va plutôt bien. Peut-on révéler à nos auditeurs que dans la vie, vous êtes mari et femme? Oui, oui, bien sûr. Et pour continuer dans le personnel, qui est Cathy? Quel genre de femme es-tu? De toute évidence, tu aimes la lecture. Tu as des hobbies? Quel genre de femme je suis? Je sais pas. J'ai jamais trop pensé à la question. Je dirais plutôt banale, dans la moyenne. Voilà. Alors, la lecture, oui, j'aime beaucoup la lecture. J'ai toujours lu énormément. Et c'est vrai que c'est là un de mes hobbies qui me prend, je vais pas dire le plus de temps, mais autant de temps libre possible. À part ça, qu'est-ce que j'ai comme passion? Ben, ma première passion, c'est les animaux. Et tout ce qui concerne les animaux, la protection de l'environnement. Je m'intéresse aussi à la cuisine végétarienne. J'expérimente, j'essaie de nouveaux trucs. Et alors, tout ce qui est plantes sauvages, en cuisine ou aussi en utilisation de plantes médicinales. Je pense que, en gros... j'ai fait le tour des hobbies. Allons-y carrément dans l'indiscrétion. Quel est ton plus vilain défaut? Mon plus vilain défaut? Certaines personnes me reprochent de manquer légèrement de diplomatie. Et ta plus belle qualité? Ma plus belle qualité, à mon avis, c'est... Je suis une bonne poire, quoi. J'adore les animaux et c'est vrai que quand il y en a un peu malheureux, un peu éclopé qui traîne, ben, il atterrit à la maison. Mais on m'accuse souvent de saboter le budget. Tu es d'accord, Frédéric? Alors, pour le budget et la diplomatie, je suis d'accord. Mais c'est vrai que l'amour qu'elle a des animaux, c'est quand même, pour moi, une très belle qualité et c'est une vie très enrichissante. Bon, il y a certaines contraintes, mais je crois que ça en vaut la peine. Et toi, Frédéric, tu as des hobbies, à part tondre la pelouse, évidemment? Ben, principalement, enfin, à part la pelouse, hein, principalement l'informatique et le web. En général, toutes les nouveautés sur Internet m'intéressent. Toujours apprendre. Apprendre et encore apprendre. Ton plus vilain défaut? Ben, je crois que je suis assez entêté. Quand quelque chose ne va pas comme je veux, ben, je m'obstine. Et des fois, jusqu'à me rendre malade, quoi. Et ta plus belle qualité? Ben, on me dit souvent que je tempère les choses, que je suis quelqu'un de pacifiant. Oui, je te perçois assez comme ça. Qu'en penses-tu, Cathy? Oui, je pense que ça lui ressemble bien. Juste une chose que je voudrais rajouter dans les loisirs, il a oublié certaines choses. Il adore poncer les portes, il adore dévisser les plafonniers, peindre les plafonds, peindre les murs. Je pense qu'il ne s'est pas encore bien fait l'idée, mais ça va être un de ses loisirs les plus fondamentaux des jours à venir. Si vous le voulez bien, passons maintenant à Audiocité. Qui en a eu l'idée? Et j'en ai eu l'idée il y a quelques années. C'était suite à un Noël où je voulais faire un cadeau à ma grand-mère qui ne voyait presque plus. Et elle adorait lire. Je savais déjà que les livres audio existaient et j'en ai cherché et ça n'a rien donné. Là où on habitait, il n'y avait rien. Il fallait faire 50 km pour aller à Bruxelles et c'était vraiment pas évident. Et quelques années plus tard, avec Cathy, on a essayé de réunir nos compétences et ça nous a donné de l'informatique et de la littérature. Et du coup, j'ai repensé au livre audio, qu'avec les moyens technologiques qu'on dispose actuellement, c'est pas normal d'avoir tant de difficultés pour trouver un livre audio. Voilà, donc le projet est parti de ça et on a créé le site. Quel en est le but, la mission ? Notre but principal, c'est de mettre à disposition sur notre site internet un maximum de livres audio. On essaie de varier le plus possible les styles, les genres classiques, contemporains, science-fiction, charme. Enfin, on essaie d'être le plus large possible pour que chacun puisse y trouver ce qu'il cherche et voilà quoi. Essayer de diversifier un maximum et montrer que, entre guillemets, ça fait un peu prétentieux, mais que la culture est à tout le monde quoi. Oui, tu as raison là. Du moins, ça devrait être le cas. Racontez-nous un peu comment a débuté cette aventure. Quand était-ce? On a lancé le site en juin 2007. Et c'est vrai que depuis, il s'est passé énormément de choses. La première et la plus importante à mes yeux, c'est le fait que de nombreuses personnes se sont jointes à nous pour enregistrer les livres audio. Toi, tu le sais, Christian, mais ça prend énormément de temps. Oui, en effet. Et c'est grâce au travail des uns et au travail des autres qu'on a pu arriver à avoir un catalogue important pour remplir à bien notre mission, à savoir de fournir un maximum de livres audio gratuits pour tous. Ensuite, il y a eu les auteurs contemporains. En fait, c'est une demande qui était récurrente, que ce soit dans le livre d'or ou dans les mails, c'était d'enregistrer, bon, bien sûr, des œuvres du domaine public, mais également des auteurs contemporains. Alors, c'est là qu'on a découvert les licences dites de copyleft. C'est des licences qui permettent de savoir en un coup d'œil ce que l'on peut faire avec une œuvre. Et c'est cette facilité qui nous a motivés. Parce que finalement, avec le copyright, la règle, c'est que on ne peut rien faire sans l'accord de l'auteur et on ne connaît pas ses positions. Donc, si on a pour objectif d'enregistrer des auteurs contemporains, enfin des auteurs qui ne sont pas dans le domaine public, bon, ben on peut se préparer à poster des demandes, et qui dans la plupart des cas n'aboutiront pas. Tandis que là, on connaît d'avance la volonté de l'auteur. Et à partir de ce moment, on a découvert des sites comme Libro Veritas qui fournissent une quantité impressionnante d'œuvres contemporaines avec des licences dites de copyleft. Donc à partir de là, les portes étaient ouvertes. On est rentré en contact avec de nombreux auteurs et ça a été dans l'ultra majorité des cas une expérience très sympathique et très enrichissante. Après, il y a aussi les enregistrements partenaires. Et là, bon, je tiens à remercier tous les partenaires, dont évidemment les éditions de l'Avenir. C'est un plaisir, je t'assure. Qui nous ont permis de mettre à disposition dans notre catalogue leur création. Ça nous a permis, donc, dans un premier temps, d'enrichir notre catalogue, de le diversifier, et aussi de montrer ce qui se faisait de bien ailleurs. Donc, ça n'avait que des avantages. Il y a également un avantage certain pour le partenaire en question. En tout cas, dans le cas des éditions de l'Avenir, ça nous a fourni une vitrine, un tremplin, et donc une augmentation considérable de notre auditoire. Mais revenons à Audiocité. Vous êtes passé récemment en association. Ça a été difficile? En fait, nous sommes passés en association en janvier de cette année. Non, c'était pas difficile. Le plus difficile, ça a été de bien faire le dossier, en fait, parce que le vocabulaire juridique n'est pas toujours très accessible. Et donc, on a dû bien se renseigner, lire un bouquin. C'est Frédéric qui a fait la plupart du... C'est Frédéric qui a fait le plus gros du travail, d'ailleurs. Et bon, une fois que le dossier a été fait, on est allé le déposer au greffe du tribunal du travail. Et 2 jours après, nous étions officiellement une association. Pourquoi avoir formé une association? Puis, parlez-nous un peu des avantages et des inconvénients, s'il y en a. La raison pour laquelle on a créé l'association, d'abord, c'était d'inviter les personnes qui avaient beaucoup participé en tant que lecteurs à nous rejoindre au niveau décisionnel. Parce qu'il y a toujours beaucoup de choix à faire. On met les livres audio en ligne gratuitement, mais sous quelle licence? Est-ce qu'on met de la publicité ou non? Comment on gère les frais d'hébergement du site? Quels seront les projets pour demain? Enfin, il y a énormément de choix à faire qui sont pas toujours faciles. Et l'idée, c'était de le faire ensemble. Au niveau des avantages, ça a été immédiat. La dynamique n'a plus été la même. Le conseil d'administration est devenu une sorte d'équipe de laquelle a émergé un certain nombre de projets. Yigo s'est lancé dans Radio Cité, par exemple, qui est un audioblog sur la plateforme d'Arte, qui est une sorte de compilation de livres audio d'Audio Cité, samplés avec des musiques libres. On peut également citer Christophe, qui a créé le projet Audio Cité Junior, c'est-à-dire la lecture de textes faits par des élèves, ou la lecture d'auteurs du domaine public par les élèves, et aussi la lecture de textes faits par les élèves par des adultes. Après, il y a la rubrique théâtre qui a été créée, la rubrique Planète Actuelle, le moteur de recherche de livres audio gratuits, enfin, tout un tas de développements qui sont les projets des uns et des autres. Bon, au niveau des inconvénients, il n'y en a pas vraiment. Bon, si ce n'est que quand on discute sur un sujet sensible, eh ben, plus on est nombreux, plus on met du temps à se mettre d'accord. Ce qui est normal. Mais vraiment, à part ça, il n'y en a pas. Cathy, j'ai remarqué que tu étais très impliquée comme lectrice pour Audio Cité. Tu as d'autres fonctions? Au niveau de mes fonctions, j'ai fait une courte formation pour la comptabilité. J'avais déjà des notions, mais il fallait quelque chose de plus complet, en fait, parce que on a des formulaires bien spéciaux et tout ça pour la comptabilité. Donc voilà, j'ai mis la comptabilité en place. Bon, je ne te cache pas que c'est souvent Frédéric qui la remplit, mais bon, elle est mise en place, elle fonctionne, donc j'ai fait ça. Au niveau d'audiocité, à part la lecture, je suis là comme assistante, en fait. Quand il y a trop de travail, j'aide Frédéric dans un peu tout. Ça peut être de la post-production, ça peut être au niveau de la radio, d'encoder des fichiers, ça peut être de l'administratif. Donc, moi, je suis l'assistante, quoi. Mais comme Frédéric aime bien travailler beaucoup, je n'ai pas trop de travail. Alors, j'imagine, Frédéric, que tu as la balance des tâches. Quelles sont les principales? Sur Audio Cité, moi, mes tâches, c'est de m'occuper du site, principalement, de mettre les livres audio en ligne et éventuellement de m'occuper de la post-production. Quels sont vos plans d'avenir pour Audio Cité? Les plans d'avenir pour Audio Cité? Écoute, il y a beaucoup de choses en cours. Moi, j'aimerais particulièrement développer la rubrique théâtre, mais bon, je vois pas trop comment y arriver. C'est très difficile de faire du théâtre en audio parce que les didascalies ne sont pas toujours suffisantes et j'ai peur que pour certaines pièces, ce ne serait pas compréhensible. Il y a aussi le nombre de lecteurs, les voix différentes. Enfin bon, c'est assez compliqué, mais sinon, moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur, le théâtre. À part ça, ben notre web radio, hein, on aimerait bien qu'elle se développe. Et puis il y a toujours tellement de projets en cours que il y a quasiment un nouveau projet par semaine, donc on y va au fur et à mesure. Waouh, un projet par semaine, enfin presque. C'est très dynamique. Bravo. Je vais passer au personnage maintenant. Je sais que vous êtes toujours très généreux, toujours au premier rang quand vient le temps d'incarner des personnages. Merci à vous deux. Sans ça, mon travail aux éditions serait beaucoup plus compliqué. C'est toujours réconfortant de pouvoir compter sur vous deux. Ceci dit, vous aimez faire des personnages? Ah oui, moi ça m'amuse. Sur Audiocité, ma participation est pratiquement uniquement technique. Et ça me prend beaucoup de temps. Alors j'ai pas le temps d'enregistrer un roman ou même une nouvelle. Par contre, je peux enregistrer des petits rôles. Et ça, c'est vrai que ça me détend plus qu'autre chose. Cathy, tu as maintenant deux aventures de Mazas Pavel derrière la cravate, dans le rôle titre. Dis-moi, comment vois-tu le personnage? Ah, Mazas Pavel. Ben en fait, c'est tout l'inverse de moi. Mère au foyer, pantouflard. Et franchement, ça me fait super plaisir d'être une héroïne dynamique, jeune, svelte et tout et tout. Ça me change du quotidien, quoi. Oui, j'aime bien faire Mazas. Bon, avec parfois des petites erreurs que je dois reprendre, enfin. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime bien. Ça m'amuse, oui. Est-ce que ça te demande une préparation particulière pour te mettre dans sa peau? Préparation particulière? Non. Je lis le texte et bon, j'essaye d'imaginer, en fait, de voir un peu comment la scène se déroule et voilà. Y a-t-il une différence pour toi entre incarner un personnage et lire un texte entier comme Cauchemar numérique, par exemple? Une préparation différente? Non, j'ai pas de préparation différente. En fait, je lis toujours les textes et j'imagine les choses et je lis comme je le vois, je vais dire. Je ne fais pas de différence selon les personnages, j'ai pas d'état d'esprit particulier. C'est selon le ressenti du moment, après la lecture, comment moi j'imagine les choses. Tu as été à la barre d'une pièce audiophonique, Scannarelle, à laquelle j'ai participé avec plaisir d'ailleurs. Et je me demandais, comment as-tu trouvé l'expérience être le chef d'orchestre? Mais franchement, pour la pièce, ça a été assez compliqué, quoi. Je pensais que ce serait plus simple. Déjà, ne serait-ce que la découpe des rôles. J'ai fait du théâtre il y a bien longtemps et en amateur, mais bon, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime, le théâtre. Mais c'est vrai que de découper les rôles, de l'envoyer, de demander aux différentes personnes, c'est quelque chose que, autant j'aime jouer dans des projets collectifs, autant j'aimerais jouer dans des projets de théâtre, autant pour moi ça a été difficile d'être l'organisatrice. Oui, je comprends, c'est pas facile. Je le sais par expérience, hein, tu t'en doutes. Il y a beaucoup d'énergie dépensée à ce que j'appelle la pré-production, c'est-à-dire la préparation des textes, la distribution des rôles. Je songe, entre autres, à la deuxième aventure de Mazas, où ce qu'il y avait énormément de personnages. Trouver des voix pour tous ces personnages, c'était un défi. C'était un défi. L'affaire Blaireau, c'est un autre cas. Il y a beaucoup de personnages. Et ce qui explique d'ailleurs que le projet n'est pas terminé encore. Ce qui a sauvé en partie, j'imagine, le deuxième Mazas, c'est que plusieurs d'entre vous avaient accepté d'incarner plusieurs personnages. Merci. Cathy, as-tu des projets de lecture en préparation? Pour l'instant, j'ai encore un auteur contemporain à lire, mais bon, comme c'est à plusieurs voix, c'est pas terminé. À part ça, je verrai un peu ce qui tombe, quoi. Et je suis toujours partante, hein, de toute façon, donc, bien sûr, par rapport au temps libre que j'ai, mais bon, c'est vrai que j'aime bien, quoi. Donc, à part ce projet, À part le projet de l'auteur contemporain, je n'ai rien de précis, mais bon, il y a toujours plein de trucs qui arrivent et en général, je suis dedans, quoi. Passons à Frédéric maintenant. J'ai l'impression qu'avant de me connaître, tu te faisais plutôt discret. Il y a bien un superbe all-in avec Cathy sur Audio City, mais à part ça, il n'y avait pas grand-chose, hein? Puis, il y a eu l'attaque du moulin, dans laquelle vous m'avez sauvé la mise tous les deux. Puis, les deux Mazas. Puis, complot sur Alpa. Enfin, vous êtes pratiquement tous les deux dans toutes mes productions. Comment vois-tu ta carrière de lecteur? Non, non, je ne crois pas que je vais prétendre à une carrière. Par contre, ça me plaît beaucoup. Alors, bon, c'est conditionné par le temps libre que j'ai, mais tant que c'est sympa comme ça, j'espère continuer, oui. Dans la mini-production de Rouletabille qu'on est en train de réaliser, pour l'instant, tous les trois, toi, Cathy et moi, tu as hérité du rôle de Rouletabille. Comment vois-tu ça? C'est un plaisir. Bon, c'est aussi un peu un défi parce que Rouletabille, il y a quand même des textes assez importants. Il faut faire attention à ne pas faire d'erreurs de lecture, à essayer d'être dans le ton. Mais l'ordinateur est là. Je peux couper si quelque chose ne me convient pas et y revenir par la suite. Je peux modifier et améliorer. Donc, dans la mesure où il n'y a pas de stress, il n'y a que du plaisir. Le rôle est plutôt exigeant. C'est difficile. Mon interprétation ne vaudra sûrement pas celle d'un comédien. Mais dans ces conditions-là, c'est pas difficile, c'est amusant. T'as accepté d'incarner Brungehead, le patron de l'Est, dans notre prochaine méga-production. L'Estrade, agent très spécial. Et t'as sûrement pas eu le temps encore de lire le texte, de prendre connaissance du rôle, mais... Quelle idée tu te fais du personnage? Si, si, Christian, j'ai eu le temps de le lire. Enfin, d'en lire les parties dans lesquelles Brune intervenait. Et déjà, je tiens à féliciter l'auteur de L'Es Agent très spécial. Merci beaucoup. Pour Brune, je l'imagine tout simplement amical. Autant Atlan était plutôt autoritaire, autant j'imagine Brune amical. Il sera difficile à incarner, tu crois? Je ne sais pas encore. Je n'ai pas eu le temps de commencer l'enregistrement, alors ça sera la surprise. Ce sera très bien. Tu t'en tires toujours très bien de toute façon. As-tu des projets divers, lecture, audiocité ou autre? Alors, en projet lecture, comme on vient de le dire, il y a Rouletabille dans le mystère de la chambre jaune et Brune dans L'Es Agent très spécial. Et pour Audiocité, il y a pas mal de projets qui sont en route, mais je dois m'occuper en particulier de la web radio qu'on vient tout juste de lancer, Audio Libris. Et sinon, il y a ce qu'a dit Cathy aussi, la peinture, le ponçage et tout le reste. Merci à vous deux pour cette sympathique entrevue. Et félicitations, bravo pour votre excellent travail. Non, je sais pas. Merci beaucoup à toi de nous avoir invités pour cette interview. C'est Christian. Et voilà, au revoir Christian. Au revoir Cathy. Au revoir Frédéric. À bientôt. C'était donc Cathy et Frédéric, K00 et Fred, de audiocité.net. AUDIOCITE.net.